Hello, hello, vous êtes bien sur le 89.5 de Radio Duo et c'est l'émission Boogie qui va démarrer. On laisse tourner le générique. Et ouais, nous sommes mercredi et c'est Boogie qui va commencer. Voilà, Véro à la technique. On a les invités, Muriel, voilà, qui est là, comme au bon vieux temps de Radio Duo, quand les studios étaient pleins à craquer d'invités. Et on aimait bien ça. Voilà, Muriel, ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu. Je suis super content de te revoir. Voilà, on a eu un petit problème il y a 15 jours, voilà, j'ai été malade, on n'a pas pu faire l'émission au dernier moment, j'en suis vraiment désolé, ça fait plusieurs fois que ça se produit, hein Véro, et on en est bien désolé, du coup on passe à... Oui. Oui, ça marche. Oui. Ça marche. Ça y est, ça marche, c'est bien. Et on est passé un petit peu à une émission par mois, on n'en est pas fiers, mais ça devrait rentrer dans l'ordre. On se met en jambes. Ouais, c'est l'hiver aussi, hein. il faut prendre ça en compte. Exactement. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Vous vous souvenez toutes les deux de Laurent de Carvello qui a fait l'émission ici pendant des années avec Pascal. Pascal qu'on embrasse d'ailleurs, on n'a pas de nouvelles. Tout le monde me demande de ses nouvelles, mais moi je n'en ai pas, donc je ne peux pas en avoir. Donc Pascal, s'il te plaît, si tu nous écoutes, donne signe de vie, reviens à Boogie, fais-nous signe. Et voilà, il y a plein de gens qui veulent te voir. Voilà. On rentre dans le vif du sujet. S'il y a plein de gens qui veulent voir Pascal, c'est parce que je suis allé voir les Devil Joe à Fraisse. Voilà, 250, 300 personnes. Ils ont bien mis le feu. On va rentrer dans le vif du sujet. J'ai enfin réussi à avoir l'album, qui est sorti quand même il y a plusieurs mois. Hein, Véro, on en a parlé pas mal de cet album. Et ben, ça y est, on l'a. On va s'écouter tout de suite le premier morceau du disque Rising. Il s'agit de Better From For You And Me. We'll be right back. Yeah, un petit peu énervé les Deville Joe, mais on adore ça, voilà. Et ils ont bien mis le feu là-bas à Fresse. Bon, ben, il y a un gros changement de line-up hein, chez eux, bien sûr, avec la nouvelle chanteuse, Anaka, qui remplace très bien Sarah, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Laurent De Carvello, toujours à la guitare. Guillaume, à la basse, mais qui n'était pas là, qui était remplacé par Vincent, qui d'habitude est à la guitare. Et il y avait un autre jeune homme dont je n'ai pas retenu le nom, qui était le deuxième guitariste. Il mettait fin à une mini tournée qui les avait un petit peu vu passer un petit peu partout dans la région, mais il y a une autre tournée de prévue d'après Laurent. Voilà. Bah moi j'ai adoré. Du coup on écoutera un deuxième morceau. Ils ont repris du premier album et aussi du second album que j'adore tellement. Et voilà. Oui, deux, c'est-à-dire non, mais pas tout de suite. On va peut-être donner la parole à Muriel. Bonsoir. Bonsoir Muriel. Bonsoir. Alors Muriel, tu voulais nous parler d'un bar, endroit que j'ai découvert, Place d'Orient. Uh-huh. C'est 11 Place d'Orient. D'accord. C'est Arnaud qui est... Le patron. Le patron et qui est de Saint-Chamond, donc les... qui est Couramio. Couramio, voilà, tout à fait. D'accord. Et voilà, il a ouvert ce bar il y a 2 mois. Et il propose aussi des petites planchas avec... Pourquoi je rigole ? Ça fait beaucoup rire, Véro, mais je ne sais pas. Tu t'expliqueras avec Thierry elle après. Avec Thierry et avec... ou jambon cru, enfin, avec des prix vraiment pas chers. Et d'accord. C'est bah, super écoute, sympa. On ira faire un petit... On peut faire... Est-ce qu'il y a de la musique dans ce bar ? Il y a de la musique. Ah, voilà, c'est très important. Ici, dans Boogie, tu sais que et nous... Et j'aimerais bien passer un morceau qu'il m'a demandé. Enfin, je lui ai proposé, donc je te propose, David. Ouais. Voilà. Et bien, on verra ça tout à l'heure. D'accord, super. Merci. Allez, on envoie le deuxième morceau des Deep Down. Il s'agit de 1, 2, 3. City on a Hill. Ouais. Fire! Devil Joe sur l'album Rising, le dernier album que je vous conseille. Voilà. Ouais. Alors, à ce concert, il y avait un tas de gens que j'avais pas vu depuis très longtemps, des musiciens, des gens que je croisais avant dans toutes ces fêtes, dans tous ces bars. Voilà. Alors, je voudrais faire quelques dédicaces. Voilà, ils étaient là, ils étaient bien là, on s'est bien retrouvés, on était contents de se voir. Il s'agit d'Eléonore, bien sûr. Angel, JB, des Deep Down, qu'on écoutera tout à l'heure. Il n'y avait pas Mario, mais on a failli le voir. Il n'y avait pas Jean-Claude non plus, on le regrette. Et je dédicace aussi ce morceau qu'on vient d'écouter à mes deux collègues de boulot qui s'appellent Étienne et Bastien. Tous les deux de la bière, ils comprendront. Voilà, on a perdu Muriel. Et on va enchaîner justement sur les Deep Down. Les Deep Down, il faut peut-être que j'annonce la tournée. Je vous ai parlé de la tournée qui s'est terminée des Devil Joe. Mais il y en a une qui n'est pas terminée, c'est celle des Deep Down qui seront au Crossroad Café, c'est à Saint-Priest-en-Jarret le 7. Ils seront au Ferrailleur à Saint-Étienne, quartier Saint-Roch, je dirais, Saint-Roch-Val-Benoît, au Ferrailleur le 8, ce samedi. Et un peu plus tard, le 22, qui est un samedi aussi, je crois, au Pub Michelet, au Puy-en-Velay, qui est quand même un peu leur fief. Les Deep Down, tout de suite, avec le morceau Katrina Blues, sur le 89.5 de Radio Dio, c'est Boogie. Come and show me. Oh oh oui, on a failli se faire surprendre par la fin de nos amis les Deep Down. Les Deep Down, alors Véro, ouais, je te l'ai pas dit, je te le dis en direct du coup. Les Deep Down seront certainement là courant mars. Voilà. Je te préviens à l'avance parce que je sais que tu as la hantise du premier groupe qu'on va recevoir cette année en direct live de Boogie. Hein yeah. Donc il faudra te préparer mentalement. Je commence actuellement. Voilà. Mais tu verras, ce ne sera pas très compliqué. D'abord parce qu'ils sont très très sympas. Et après, regarde, on est équipé de cette petite table de mixage. Donc tu demanderas à ton futur formateur de t'expliquer comment elle fonctionne. Il va être content. Et après, on pourra recevoir tous les groupes qu'on veut. Voilà, donc on vient d'écouter à l'instant les Deep Down. Sur leur fabuleux album qui s'appelle oh putain j'ai honte qui s'appelle, mais c'est toi qui l'as Véro. Non c'est pas toi qui l'as, bon ben... décidément Pascal avait raison, c'est vraiment l'émission la plus bordélique. C'est moi c'est toi qui l'as. Boot Junk in the Trunk, voilà, voilà, avec un accent. Merci Allez. Donc on les recevra bientôt, prépare-toi, voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. On va peut-être rester un peu plus sérieux, on a des places à faire gagner ce soir, voilà, c'est ça que je voulais dire, des places à faire gagner dans le cadre du partenariat qu'on a avec Le Fil, de tous les concerts blues et autres qui passent au fil. Donc nous sommes partenaires officiels, voilà, je te l'avais dit, ça te fait rire, c'est pas grave. et là, il va y avoir Jaron Paxton. Alors moi, je le connaissais pas du tout, Jaron Paxton, mais il a la particularité, c'est d'être multi-instrumentiste et d'être aussi aveugle. Voilà, le pauvre homme, mais bon, il n'est pas le premier musicien américain aveugle qui joue extrêmement bien de la musique, notamment du blues. Et lui, il a une histoire un peu particulière. Alors voilà, je l'ai dit, alors j'ai piqué des éléments. Voilà, je vais peut-être vous casser la tête un petit peu, mais on va quand même un peu parler de lui. Donc, pour les places, c'est le... tu nous redis le numéro, Véro ? De téléphone. Alors. Ça commence 04. Pendant les morceaux, je le rappelle. Oui, oui, c'est mieux. C'est mieux. 04 77 25 05 94. Voilà. Et pendant les morceaux, vous pouvez appeler. Jaron Bling Boy Paxton. Bling Boy, c'est son surnom. Est né en 1989. C'est un musicien américain de Los Angeles. Il est chanteur et multi. Multi-instrumentiste, comme je l'ai dit. Le style de Paxton s'inspire du blues et du jazz d'avant la Seconde Guerre mondiale et il est très influencé par les vieux bluesmen Fats Walter, Blink Lemon Jefferson, qui était aveugle aussi. Voilà, Paxton est pratiquement le seul musicien de sa génération à jouer de la guitare, du banjo, du piano, du violon et aussi de l'harmonica, entre autres. Il a assimilé pleinement l'idiome du blues des années 1920-1930, le blues de Bessie Smith et de Lonnie Johnson. On passera un petit morceau de Lonnie Johnson tout à l'heure. Et bien, si tu veux envoyer le premier morceau, Véro, c'est parti. Baby, what have I done that caused you to treat me so? You to cause me to weep and you to cause me to moan. You to cause me to lose my home. Oh, I wonder what's gonna become of me. Sometime I wish I had not been born or died when I was young. I'd have never seen your red rosy cheeks, baby, hurt your lying tongue. You done told me more lies than the stars in the skies, and you'll never get to heaven when you die. I swear, you'll never get to heaven when you die. Gonna become of me. Well, I feel like jumping, God knows I do, from the treetop to the ground. No one says she loved me and then had my child, say she don't want me around. Oh, Lordy me, oh, Lordy. 40 miles, what's gonna become of me? I'm about 900 miles from my wife and my child, wondering what's gonna become of me. Lordy, Lordy, Lord, have mercy. You a hard shooting pistol, come blow out my brains. I'd rather be dead and all in my grave than be in all this trouble I'm in. Been a hobo, I've been a bum, get some cornbread, save me some, cause I ain't never been so hungry in my life. I swear, I ain't never been so hungry in my life. Lordy, Lordy, Lord, have mercy. Lord, oh man, what's gonna become of me? Well, that graveyard you see over yonder's hill, it's a terrible old lonesome place. They lay you down flat on your back, then they throw dirt in your face. I done been to the east, they done brought me to the west, I done been this whole wide world round. It's only one place I have not been, but might be there before the sun go down. Lordy, Lordy, Lord, have mercy. Lordy, Lordy, Lord, I wonder what's gonna become of me. Voilà, c'était une session live et il s'agissait du titre « What's Gonna Become of Me ». Originaire des quartiers de Watts à Los Angeles, donc je continue mon petit historique, les grands-parents de Paxton ont quitté la Louisiane pour la Californie en 1956. Ses racines sudistes ont eu une influence sur Paxton lorsqu'il était jeune garçon. Après avoir passé du temps à écouter les stations blues de sa ville natale, ainsi que les vieilles chansons Cajun et Country Blues que sa grand-mère avait l'habitude de chanter. Paxton s'est intéressé à ses premiers sons, développant ainsi une vaste connaissance de cette musique. Il a commencé à jouer du violon à l'âge de 12 ans. Pour se mettre au banjo, 2 ans plus tard, il est diplômé du lycée de Vernon By. Bon, ça, on s'en fout un peu, on va dire. Hein. À l'adolescence, il a commencé à devenir aveugle. Perdant la majeure partie de sa vue à l'âge de 16 ans. En tant qu'étudiant à Vernon By, il a eu une mission de travail-étude en entreprise au Bry Institute of America. On peut peut-être passer le deuxième morceau, parce que là, il y a encore pas mal de choses. Un truc important, c'est qu'en 2007, Paxton a déménagé Il est passé de la Californie à l'État de New York pour fréquenter le Marist College. Et il a commencé peu à peu à jouer des concerts autour de la région de Brooklyn. Bien qu'il n'ait pas signé tout de suite dans une maison de disques, il a continué à jouer dans les festivals blues et roots à travers les États-Unis, ainsi que dans divers spectacles en ouverture de groupes de cordes all-time, dont The Dust Buster, qu'on avait passé, je me souviens, avec Pascal. Tu peux peut-être envoyer le deuxième morceau. Deuxième morceau qui s'intitule Nighttime. Attends, is the right time. C'est parti. Laying down in the evening, just can't take my rest. Like them wild horses in the west. Well, when nighttime is the right time, be with the one you love. Well, got stones in my pathway, road seem dark as night. Take my appetite. When nighttime is the right nighttime. Be with the one you love. Show them how you play that piano, Big Daddy. On the table now, and apples on the shelf. You know about that, I'm tired of sleeping by myself. Well, when nighttime is the right time, be with the one you love. Well, me and my baby laying face to face. We better not talk about that so much. Well, we're doing our darndest now to increase our race. Well, when nighttime is the right time, be with the one you love. Don't y'all sit up here like no fool. Y'all ought to be laying down now, listening to Jerron and Jules. Well, when nighttime is the right time, be with the one you love, with the one you love. Oh oui, c'était bien ça, hein? C'est du vieux blues, ça. Du vieux blues, ça s'entend. Lui, il n'est pas si vieux que ça, mais sa musique, ouais, elle est des origines du blues. Voilà, on va dire ça. Donc, vous pouvez toujours gagner des places pour Jerron Paxton en nous appelant. 04-77. Très sollicité, Jean. 04-77-25-05-94. Voilà, deux places pour le vendredi 14 février au fil. Je vais laisser la parole à Muriel. Waouh. Et Muriel, voilà, tu vas parler et tu vas nous parler de... John Holt. Voilà. Donc, qui a fait le morceau qui a été repris, entre autres, par les Fugees. Donc, le titre, c'est « Killing Me Softly ». Il l'a fait en 73-74 à peu près. Mmh. Et voilà, donc c'est de la part du Verre à Soie pour Arnaud. Voilà, spéciale dédicace au Couramio, les habitants de Saint-Chamond. On écoute ça tout de suite. Singing my life with the words, killing me softly with a song. Killing me softly with a song, telling my own life with her words, killing me softly with her song. I heard she sang a good song, I heard she had a style, and so I came to see her and listen for a while. And there she was, this young girl, a stranger to my eyes, drumming my pain with her fingers, singing my life with her words, killing me softly with her song. All flushed with fever, embarrassed by the crowd, I felt she found my letters and read each one out loud. I prayed that she would finish, but she just kept right on, drumming my pain with her fingers, singing my life with her words, killing me softly. singing my life with her words, killing me softly with her song, killing me softly with her song, killing my whole life with her words, killing me softly with her song. She was drumming my pain with her fingers, oh, oh, oh, singing my life with her words, killing me softly with her song. Ouais. Oui, c'est bien moi. Je suis désolé. J'ai une absence. Ça peut arriver. Qu'est-ce qui se passe? Tout est normal? Tout est normal à Radio Audio? Le fait que ce soit normal à Radio Audio, c'est déjà pas très normal. Ouais, voilà. Ben, je voulais juste te dire que je vais caler maintenant. Donc, qu'on vient d'écouter. Donc, on rappelle toujours les morceaux en principe. Hein. Qu'on vient d'écouter John Holt. Killing my softly. Me softly. Me softly. Ouais, et on disait hors micro que cette version était vraiment phénoménale. Phénoménale. Ouais. Ouais, c'est très bien. Ça fait du bien. Ça réchauffe les cœurs. Voilà. Et on a besoin d'avoir le cœur réchauffé. Ah oui. Véro, t'es pas d'accord? Véro. Mais dis donc, mais vous me prenez toujours comme ça, sans me prévenir. Moi, bien sûr qu'on a besoin d'être réchauffé, David, bien sûr. On va enchaîner sans transition avec une influence majeure de notre ami Jerome Paxton. Il s'agit de Lonnie Johnson. Voilà, c'est un vieux bluesman qui était lui-même qui jouait lui-même un blues acoustique voilà dont on dit qu'il était la base, une des bases du blues, mais bon, là aussi c'est des grands débats qui est à l'origine du blues. Ils étaient plusieurs déjà et Lonnie Johnson en faisait partie. On va écouter le morceau qui s'intitule When You Feel Love Down. C'est parti. Troubles to the Lord above. When you're feeling low down, tell your troubles to the stars above. Or she will never be happy until you find the one you love. Like a prisoner without a plea and sentenced without a trial. Like a prisoner without a plea and sentenced without a trial. Like a bleeding heart longing for love, a heart that never smiles. You can stay in a town so long, you can feel yourself sinking down. You can stay in a town so long, you can feel yourself sinking down. You just change your way of living and don't forget to change your town. Thank you. got the blues. This morning, baby, I'm sure I've got the blues. I want some sweet brown-skinned woman to tell my troubles to. Ouais, et voilà, on discute, c'est typique de Boogie ça, hein. Voilà, le morceau défile et il enchaîne sur l'autre morceau, voilà, on l'a tous fait, et aujourd'hui c'est toi, c'est pas grave, on va enchaîner sur peut-être le CD que tu avais là, tu laisses courir là, on enchaîne sur Washboard, ouais c'est bien ça Washboard. La 13, sur le même CD, Véro, voilà. Petit problème technique, mais bon, c'est Boogie, c'est pas, on n'est pas à la NASA. Hein. Ah, Boogie Night. Maman quoi? Ah. Allez-y, j'ai ouvert tous les micros. Oh yeah. C'est ce qu'il faut, parce que c'est une émission un petit peu exceptionnelle. On a Mathis autour de la table. Salut Mathis. Il était venu pour rapper. On voulait lui laisser un peu de temps pour rapper. Mais la technique de duo en a voulu autrement. Ouais, oui, j'ai mal précisé. Il fallait l'instrumental et on n'a pas l'instrumental. Oh, mais là, ça va se régler. On va juste passer un petit peu de blues, du vieux blues des familles. Et puis pendant ce temps, on va trouver l'instrumental. Voilà. Oui. Bien sûr. Il y a Véro qui va me rebalancer la compile. Allez. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Allez, tu rebalances le petit morceau là, juste après Lonnie Johnson. Number 13. 13. She would treat me so unkind, but that low-down woman kept me hustling all the time. Yeah, she making a fool out of me. She keep on dogging me and kicking me around all the time. She went out last night and said she was going to a show. And when I caught her talking to old Coon Can Joe, yeah, she's making a fool out of me. She kept on dogging me and kicking me around all the time. I drank a little liquor and I drinks a little wine, but that gal I really love, she stays drunk most all the time. Yeah, she's making a fool out of me. She keep on dogging me and kicking me around all the time. Here, baby, what you done went and done. You done made your daddy like you. Now you won't give him. Hey, she's making a fool out of me. She keep on dogging me and kicking me around all the time. Her name is Mary Ann. She had nerve to tell me she had another man. Yeah, she's making a fool out of me. She keep on dogging me and kicking me around all the time. Et voilà, on était avec la super compile Real Blues, sortie chez BMG en 1998. Voilà, ça a été longtemps un de mes disques de chevet, si je puis dire. On va enchaîner avec une très grande dame du blues, il s'agit de Bessie Smith, et on en voit tout de suite. J'ai voulu la piéger. Merci de m'avoir mis le micro. C'était l'immense Bessie Smith sur les compiles. Martin Scorsese présente. Voilà des compilations que je ne peux que recommander. On va enchaîner dans un autre style avec Bernard Allison qui nous avait fait l'immense plaisir de passer au mois d'octobre à Saint-Chamond chez les Couramio. Et qui avait mis le feu, paraît-il, j'avais pas pu y aller, à la nuit du blues, voilà, dans le cadre du Rhino Jazz Festival. Alors, on va en écouter un petit peu du Bernard Allison sur l'album Across the Water, The River Rising. Yeah. We'll be right back. I try to keep my feelings under. This time it's no use, my heart tells the truth whenever we're together. Bernard Allison, le fils de Luther Allison, comme chacun sait, qui nous envoie toujours un blues rock décapant. Voilà. Je regrette vraiment de ne pas être allé à ce concert parce que il a fait des trucs qui paraissent exceptionnels, notamment une reprise de Jimi Hendrix. Wow. On passera avant la fin de l'émission. Il est déjà 21h56, mais le temps passe vite. Voilà. Vous êtes en direct. Mais c'est pas possible. Vous êtes en direct du 89.5. On fait 3 heures aujourd'hui. Le monde va trop vite. Tu savais pas, on t'a pas dit. Chers auditeurs, vous l'avez sûrement deviné que nous sommes. Ce n'est que le début. Vous êtes en direct du Boogie Night, de ce qui ressemble à un Boogie Night. Du 5 février 2025. De ce qui va devenir. De ce qui va devenir un Boogie Night. De plus en plus, de plus en plus. Plus chaud, de plus en plus chao. Chao. Ah, si je peux oser un jeu de mots. Bon, on va revenir aux choses sérieuses et aux blues. C'est Muriel qui nous fait. Oh, non. Sur une autre compile extrêmement bien foutue, les plus grands moments du blues, je vous propose d'écouter tout de suite Taj Mahal avec le morceau Dust My Broom. C'est parti. C'est parti. Getting up soon in the morning, leave I dust my broom. Getting up soon in the morning, leave I dust my broom. Quit the best girl I've been loving. Yeah, my friends can have my room. I don't want no woman, what every downtown man can see. I don't want no woman, what every downtown man can see. She ain't nothing but a no good phony. Shouldn't lie that woman on the street. I'ma write a letter, telephone every town I know. I'ma write a letter, telephone every town I know. She ain't down in Chula, Mississippi. She in East Monroe, Arkansas, no. Oh, tell me, baby, honey, what has been wrong with you? Tell me, baby, oh, mama, what has been wrong with you? Well, I know you just don't treat poor papa like you used to do. I'm getting up soon in the morning, believe I dust my brow. Getting up soon in the morning, leave I dust my broom. Quit the best girl I've been loving, then my friends can have my room. I'm gonna send a letter to China, see if my baby's over there. Send a letter to China, see if my baby's over there. Well, she ain't over there in China, down in Ethiopia somewhere. I believe I dust my broom. I believe I dust my broom. Lost the best girl I've been loving, and my friends can have my room. Très acoustique, hein, Taj Mahal, ouais, voilà. Influence majeure de notre Jaron Paxton, qu'on verra au fil le 14. Et on n'a toujours pas d'appel. Voilà, les places, Elles seront pour nous. Elles seront pour ceux qui les auront méritées. Voilà, si personne n'appelle, en tout cas, ça va se passer comme ça, n'est-ce pas, Véro? Pas de réponse. Bon, maintenant, on va laisser la place à Mathis. Ah, moi, effectivement. Mathis est sur la place. Il est sur la place, il est dans la place. Et il faut qu'il micro. Se rapproche micro. Du micro. Ouais, micro, ça ouais. C'est essentiel. Il faut presque le toucher. Postillonner avec dessus. La bouche, voilà. C'est parti, Mathis. On te laisse faire. J'essaie de parler de mon vécu, mais c'est technique. J'essaie de gagner les écus, mais ça se complique. Je fais pas ce rap de pointeur, mes ennemis esquivent le pointeur. Je me lève et me couche à point d'heure. Tout ça pourquoi? Pour une vie misérable. Ce matin c'est pancake, sirop d'érable, tout ça ne m'égaye pas. Après avoir passé 2 mois à l'hôpital, l'entendre elle dans toutes les poids. Et ne plus retrouver ma propre voix, ne plus reconnaître ce visage pâle. Faire le gangster en sachant que je pourrais me faire scalper. Ma belle, tu sais c'est ça, j'aimerais palper. Mais bon, faut que je recharge ma batterie sociale. Mes yeux ne font même plus la focale. Putain, je crois que ne plus dormir et rouler ses calmes m'ont rendu paro. Mon fendu au couteau, je commande comme Ken. Au couteau, je balance mes rimes comme Adoken. Kiko Ken, il faut que je ken. Je te lasse des dingueries tranquille en impro. Je lui fais confiance tant qu'il en impose. J'avance en mime en l'aveugle. Quand je te regarde, je me dis qu'une vache, ça beugle. Je suis resté seul pendant des heures. Cam isolé, ses amis ne me servent. Cam isolé, fumer une clope sur la terrasse à l'U7. Tuer un petit insecte en lançant une assiette. Quand on me dit développe, je réponds que j'ai pas envie d'acheter les assets. Ça fait des années que j'ai pas posté une enveloppe. Pourtant, j'aime bien écrire et j'apprécie l'odeur du papier. J'ai très vite perdu de vue l'enfant que j'étais comme papy. Bon sang, pourquoi plus rien ne m'intéresse? En mourant, je deviendrai sûrement l'icône de la paresse. En courant, j'attends durement que les crampes apparaissent. Ils me croient sains, mais je prie pour que les voix disparaissent. Je m'invite en improviste à leur table et je déguste leur mets. Je pense que je devrais aller chercher ailleurs, mais je te jure, j'ai vu le sourire du chat. Mes deux jambes s'agitent hors du terrier, je me suis enfoncé en pensant qu'il y avait de l'or à déterrer. Je trouvais la grande ours dans un sol de salle de bain. Un coup de poing de moi, mais mon beau-père en a eu un. Je pourrais rapper même sur un air de clavecin. Moi je suis pas sûr de trouver ce sein. En quelques jours j'ai encore consommé 32 feuilles. Comme pour me persuader, je place le bacon en dessous des deux neuils. Pour la souffrance pas palpable n'est pas valable. Combien de fois je suis resté bloqué devant ce miroir à fixer cette face glabre. Pendant des semaines j'ai pas vu un seul arbre. Post-clope dans une cage, à regarder la bétonnière. Quand il s'agit d'alcool, on me parle pas d'âge. J'en arrive à sursauter quand il y a du tonnerre. Je vois les merveilles dans mes rêves et je dors plus que le Loir quand je suis posé dans le noir. Que fais-tu dans le soir, tout gris? Comment se fait-il que ma vie soit à souci? Avant de parler réfléchi, au mot fléché, je préfère les jambes fléchies. Déshonoré sans hésiter, je me plante le glaive. Je pense à elle plongée dans un son jouet. Qu'est-ce que j'aimerais devenir son jouet? J'ai pas vraiment de frères, du moins très peu le sont considérés. Je sais pas quoi dire à tous ces considérés. Mais ref à moi, on s'entend comme de vrai. Si à moi, Kofi, je voudrais bien 50, si à moi. Un jour, je rapperai comme Cap, no cap. Zin, tu dévis, essaie de t'en tenir au cap. J'étais habillé en skater, avant même d'être skater. Après 16 heures, je deviens un enquêteur, cherchant qui c'est qui a volé le 4 heures. J'arrive pas à écrire, je vois ma bouteille de Contrex pour ça sorte vite. Le temps, je l'ai pris, je vois ma coupelle de Conflex, puis je la grippe, plus. Je la grippe, puis je la porte vite. Le matin quand je me réveille, je suis plus dans le spleen que dans l'idéal. Même si c'est le paradis, je vois pas pourquoi je vivrais réel. Satin moquette était confortable. Sur la table, je me sers à la cuillère. Je suis pas fou que depuis hier. C'est tellement moche, j'aime pas les ken. Sérieux, pourquoi tu joues un top tier? Ça y est, j'en peux plus, je vais me le faire. J'ai perdu, ça devrait pas, mais ça fait beaucoup de peine. Je vais faire ça en quoi je suis bon, détruire à coup de haine. J'aimerais vivre dans une meilleure ville, genre Lyon. Parce que je suis attaché à mon skatepark, mon appart. J'ai fait des tricks que tu verras jamais dans l'appart. J'ai beau avoir tout le gâteau, je te laisserai pas même une part. Ce que je ferai, ça jamais de l'art. Très tôt, je me suis révolu. Sur toi, j'ai lancé mon dévolu. Je répondrai quand même pas, désolé. Là, juste devant moi, se tenait le chat du Cheshire, arborant éternellement une expression de pur bonheur. Je me suis dit qu'elle devait être fruit de dur labeur. Alors je pose à moult questions, en tant qu'homme baveur. Dis-moi, chat, quelles sont tes valeurs? Comment fais-tu pour effacer toutes les noirceurs? Lui, transparent et voguant au gré du vent, me répondit plein de bons sentiments. Moi, je suis là, le chat, pourquoi chercher ailleurs? Ainsi fut ma rencontre, qui se passa sans encombre, et de sa présence seule me fit une faveur. J'ai bafouillé. Non, si, c'est bien. Écoute, bravo. Merci. Bravo. J'ai écouté ça et ouais, c'est bien. C'est de toi? Ouais, c'est de moi, tout est de moi. Ouais. C'est du vécu. Oh, écoute, tu reviendras nous faire quelques proses comme ça. Avec plaisir. Merci, Mathis. Je veux bien expliquer une petite punchline que j'aime bien. Allez, vas-y, on t'écoute. Alors, où en étais-je? C'est plus haut, c'est qu'il est long ce truc. Hein. Ah, mais t'es dans Boogie, tu prends ton temps. On n'est pas sur France Inter, on est dans Boogie Night. Ouais, c'est. Et la directive est plus. On a toute la nuit. Alors, mon rendu paro, mon fendu au couteau. Je commente comme Ken au couteau. Ken, ça fait référence à Ken Bogard, qui est un commentateur d'e-sport. Okay. C'est un gars, il a mixé deux noms de jeux de combat, Ken dans Street Fighter et Bogard dans Fatal Fury. Ouais, tu nous donnes les refs, comme ça c'est plus simple pour nous. On est des yeux. Hein. Du coup, au couteau, Ken le survivant. Okay. Au couteau, c'est une technique dans Ken le survivant. Okay. Ouais, après, petite métaphore filée, je balance mes rimes comme Adoken, Kiko Ken, il faut que je Ken, c'est Street Fighter. D'accord. Et voilà. Après, il y a d'autres trucs, mais j'ai pas envie de chercher. Donc, 4 minutes de texte. Et c'est puis, tu pourras faire ça la prochaine fois qu'on t'invitera. Oui. Voilà, Véro nous prend en photo. Oui. Oui. Oui, yeah, merci. Yeah, yeah. En fait, elle fait un selfie. Bon, c'est pas grave. Trop fort. Et du coup, on, qu'est-ce que tu vas nous mettre? On a rien derrière. On mais a peut-être rien. Que Muriel, Mathieu, elle Mathieu, peut passer. Ouais, Mathieu, quoi. Mathieu Bogart. C'est quoi cette écoutez émission. Son c'est ce corps. Que je me suis dit que Muriel, elle avait un... Mais Véro, j'ai plus Mathieu Bogart, oui. Si, c'est ça, il faut... Toujours écouter son corps. Les filles, spéciale dédicace à Marie et Steph. Ouais, alors Mathieu Bogart, il était beaucoup, beaucoup diffusé, fut un temps à l'époque de Bob sur le 89.5. On l'entend beaucoup moins en ce moment, mais... D'accord. Il a sorti un album là, il n'y a pas longtemps. Ah, et première il fait partie nouvelle. De son album. Ok. Et il passe à Montpellier en mars ou février, je ne sais plus. Allez, bon, on va en écouter tout de suite un morceau. Dès super, que, merci dès que, Boogie. Dès que, mais il n'y a pas de quoi, c'est Boogie Night, tout est possible. Boogie Night. C'est Boogie Night. Aussi. Toujours bien écouter s'il frémit, s'il s'emballe, s'il s'affole ou s'il ralentit, somnole. Il faut toujours l'écouter, ça oui. Ne pas le nier, à mon avis. En deux mots, il faut tendre l'oreille, c'est tout. Il le faut, c'est un conseil pour vous. Être sûr à tous les coups, il faut toujours écouter son pouls. C'est la nature, voilà tout. Quand il dit il faut courir, quand il dit il faut dormir, quand il dit il faut courir, quand il dit il faut dormir. Mathieu Bogertz, ne me demandez pas l'album, ne me demandez pas le titre, mais... Le titre de l'album, je suis désolée, je ne l'ai pas. C'était une belle petite chanson. C'est le dernier, je crois, non ? C'est le dernier album qui vient de sortir, là, il y a un ou deux mois, je crois, il est sorti. Écoutez, amis auditeurs, débrouillez-vous avec ça. Oui, et il est en tournée, allez le voir, il est super, Mathieu. Il est gentil, Mathieu. Voilà, voilà. Bon, dans Boogie, ce n'est pas vraiment quelqu'un qu'on a l'habitude de passer, parce qu'il est un petit peu loin du rock, je dirais pas ça, mais du blues, oui, un oui. peu. Mais ouais, ça s'écoute bien, ouais. Ouais, ouais, c'est sûr. On va enchaîner avec un autre, avec des Français, tiens. Voilà, Mathieu Bagarte, aux dernières nouvelles, il est français. Et oui. du coup, eh ben, les Yens, alors, ils sont français aussi. Putain, ça va chercher loin hein, aujourd'hui. Une belle transition. Très belle transition. Les Yens, c'est un groupe formé en 2005 avec ce qui restait de résidus de Noir Désir. Voilà. Alors, résidus, c'est pas très sympa puisqu'il s'agit surtout du batteur Tony Barth qui a monté ce groupe. Alors, voilà, à la demande, plus ou moins, le projet d'Albert Dupontel, voilà. Ouais, le groupe est né comme ça à la demande d'Albert Dupontel qui demandait voilà, ce que il connaissait un petit peu les musiciens qui avaient monté ce groupe et qui leur a demandé de vraiment devenir un vrai groupe. Alors, j'ai compris comme ça ou j'ai peut-être rien compris, mais voilà. J'aime les Yens, c'était ça, non? Et moi j'ai une préférence pour l'album qui est sorti en 2012, je crois, j'ai pas noté, mais je crois que c'est 2012, Peace and Loud. Attends, je vais te dire ça. Mm-hmm. Ouais, oui, bonne mémoire. Voilà, et la chanson pour, alors vous allez écouter, c'est quand même assez hilarant, c'est du rock français, ça joue bien, c'est du rock français, ça joue bien. Voilà, c'est parti. C'est parti, Véro. Allez, cours. La voiture de sport, 18 cylindres en V, pare-choc en or. On l'aura deviné, monsieur est important, un des grands de ce monde, assurément. Il est si costaud, entouré de gardes du corps. Quand il cause, on se tait ou bien on parle pas fort. Si haut placé, qu'il brille au firmament. Moi je n'ai que dalle, mais heureusement. Moi je connais une chanson. La cuisse de Jupiter, je ne peux que m'incliner, vous bénirez me taire. Sachez tout de même, monsieur, qu'il se trouve justement que je connais une chanson qui emmerde les gens. Oui, je connais une chanson qui emmerde les gens. Oui, je connais une chanson qui emmerde les gens. Oui, je connais une chanson qui emmerde les fonctionnaires. Rock and roll! Voilà. J'aime voilà. les hyènes. Voilà ce que j'ai envie de dire. Ouais, donc en off, on discutait par rapport à Dupontel. Oui, en effet, c'est quand Dupontel avait fait les hyènes, il avait demandé à ce groupe qui s'était monté depuis peu d'écrire la BO du film Les Hyènes. Vous confirmez ? Les Hyènes ? Les Hyènes. Je ne sais pas. Peut-être. Il faut dire oui. Oui, je dis oui. Je confirme. Voilà, ça, c'est du rock'n'roll. Hein. J'ai une chanson pour emmerder les gens. Moi, j'adore les paroles. J'adhère complet. Ah ouais. C'était trop bien fort. Les Hyènes. Hein. C'était bien. Je crois qu'ils existent toujours, mais ils font beaucoup moins de concerts et beaucoup moins d'albums aussi. Hein. Je crois qu'ils sont plan-plan. Puis, c'est des gens qui ont des projets un petit peu à droite à gauche et ils sont dans plusieurs groupes. Je l'ai compris comme ça. Mais c'est vrai qu'on n'en entend plus trop parler, alors que dans les années 2010, ils étaient souvent en tournée et ils ont sorti pas mal d'albums à cette période. On enchaîne avec un autre Français, n'est-ce pas ? Mais alors, il est très régional celui-ci et c'est un ami à moi, voilà, qui habite à Roche-la-Misère. Bonjour, Bougueman. Roche-la-Misère, on sait que vit là-haut, dans les hautes sphères, dans les hautes terres, le Bougueman. Voilà. Le Bougueman. Le seul, l'unique, celui dont on parlait en début d'émission. Et oui. Et qu'on embrasse, hein, forcément. Un coucou d'amour. Voilà, on ne sait pas s'il écoute, s'il également. Écoute de temps en temps, s'il écoute toutes les émissions ou pas. Mais voilà, on l'embrasse. Pas. On n'a pas de nouvelles. Quand on pense à lui. Voilà. Et tout à l'heure, on parlait des couramiaux pour les gens qui habitent Saint-Chamond, mais qu'en est-il des gens des... C'est les Rouchons, non ? Les Rouchons. Je crois que c'est ça. C'est les Rouchons. Voilà. Ouais. Et ben moi, je vais vous parler d'un autre Rouchon qui s'appelle Alain. Son nom de scène, c'est Alco. Alors, j'étais invité à le voir à l'Épal Théâtre le 25 janvier, mais c'était la date où passaient les Devil Joe. Et voilà. Et j'avais déjà pris ma place. Et voilà. Donc, mon petit Alco, ben, je viendrai te voir si tu écoutes une autre fois, bientôt, toujours à l'Épal Théâtre, parce que là-bas, c'est ton fief. Et on va écouter un titre de ton superbe album qui s'appelle Napalm. Hein. Ça s'en dit pas mal. L'album s'appelle Napalm. Et moi, j'ai un faible pour le titre qui se nomme Les ailes des moineaux. On écoute tout de suite. Je n'ai jamais navigué à bord du Mayflower, jamais découvert de nouvelles contrées. Je n'ai jamais contemplé les lointaines couleurs des mondes hors de portée. J'ai parfois transgressé cette étrange limite, le seuil entre l'ombre et la lumière. Mais être ou ne pas être est une question sans suite. On ne fait pas l'omelette sans casser des œillères. Et j'ai tourné en rond, semblant d'existence. Quelques étincelles, si souvent le silence. Il y a ces gens qui parlent fort pour se montrer les meilleurs, qui jouent des coudes, jouent des biscottos, qui font des décibels pour compenser la peur, leur peur, ils t'en font le cadeau. Ces gens qui n'osent pas admettre que tu oses, pour être moins seul dans l'immobilité, moins seul quand vient le temps où la vie s'enquilose. Ils se moquent de toi, mais qu'ont-ils osé ? C'est si raisonnable de couper les ailes des oiseaux. Ne joue pas à l'albatros, tu n'es qu'un moineau. Quelques énergumènes tira la chevrotine, les lapins de 3 semaines. D'autres drastique, le manche d'énormes limousines rate tous leurs créneaux, mais de haute prenne lunettes noires griffées, héros de série Z, carcasse de métal pétant, tout un bel attirail, ça rend fort et ça aide à voir au dehors ce qu'on n'a pas dedans, mais qui est bien plus d'une heure durant. Je suis un petit moineau de 90 kilos. J'ai marché dans les clous, j'ai respecté les règles de celles qui font des moignons dans le dos. Les chiens ne font pas des chats, les moineaux pas des aigles. J'ai dit à ma concierge, vous qui connaissez la vie, la vraie vie d'en bas, est-ce que ça vaut le coup d'elle? Elle m'a dit, mon chéri, demande à Bobby. On m'a fait bécasse, j'étais hirondelle. Alors j'ai vu Bobby, il a pris sa guitare. Il m'a un peu menti de son ton pleurnichard, car il avait le blues, il y a mis du fiel. Les oiseaux sont-ils, les oiseaux sont-ils libres des chaînes du ciel? Yeah, Alco, mon pote, voilà. Bah, j'espère te voir bientôt. Voilà, tes paroles toujours aussi pleines de, parfois pleines de désespoir, mais aussi beaucoup d'humour. Hein. Voilà, je pense au titre sur cet album qui s'appelle Blues pour fesses poilues, par exemple, hein, qu'on avait déjà passé ici avec Pascal. C'est génial. Ça nous avait génial, fait beaucoup rire. Oh, mais bon, on en repassera de ton album, mon petit Al, et puis j'espère te revoir très bientôt. Voilà, avec voilà, c'est vraiment ouais. C'est de la chanson française teintée de blues avec plein d'humour et plein de poésie. Moi, j'adore ça. On enchaîne avec quoi? L'homme que l'on nomme Zimmerman et qui s'appelle aussi Bob Dylan. Voilà. Oh, bravo. Donc, je voulais vous parler de Bob Dylan. C'est pas la première fois qu'on en passe dans Boogie, mais moi, j'ai vu le biopic la semaine dernière. Voilà, j'ai pris une bonne claque. En ce moment, je prends plein de claques, en fait. Hein. Je vais voir des concerts, je prends des claques. Je vais voir des films, je prends des claques. Voilà. C'est bon d'avoir mal. Hein. De là à dire que je suis une tête à claque, il n'y a qu'un pas. Non. C'est plutôt répondre voilà. Au masochisme. Ouais, voilà. On va pas trop débattre là-dessus. On va juste parler de Imparfait Inconnu. C'est après minuit. Biopic de James Mangold. Voilà, vous m'écoutez plus, c'est pas grave, c'est Boogie. James Mangold, c'est lui qui avait fait déjà le biopic sur John Cash. Ouais. Et John Cash, dans ce film, on le voit énormément. Voilà. Et comme je disais tout à l'heure, il vouait une admiration sans borne au jeune Bob Dylan. Ça se voit bien dans le film, la fille qui interprète aussi John Baez et la relation qu'ils ont eue qui était un peu amoureuse mais surtout très tendue, voilà, où on se rend compte que Bob Dylan n'était pas très sympa avec elle. Et bah, je vous invite à aller voir ce film hein, parce que vraiment, Timothy Chalamet, il y a longtemps qu'on n'a pas parlé de ciné d'ailleurs, ça me fait penser à Dan Boogie, hein. On avait dit qu'on ferait une rubrique parce que nous on aime ça le ciné. Et Chalamet qui est quand même plus ou moins de Saint-Etienne, hein. Ah oui, en plus. Je crois qu'il venait en vacances au Chambon-sur-Lignon, qui est pas très loin de Saint-Étienne. Du coup, il soutient à fond les Verts. Ouais, j'ai vu aussi. Mais je crois qu'un de ses deux parents est stéphanois. Voilà. Sa mère ou son père. Okay. D'accord. Voilà. Et qu'il a la double nationalité franco-anglaise. Bon, Bast. Oui. Bast, il aime. Ouais, alors moi, cet acteur-là, je n'étais pas grand fan ouais, quand je le voyais dans les films. Mais, voilà, mais apparemment, il devient incontournable sur la scène. hollywoodienne, donc ça c'est la bonne surprise. Et là dans ce rôle, ils l'ont super bien grimé, il a vraiment la même tête que Dylan quand Dylan avait 20 ans. Ouais. Et ouais, très bon film. Petit reproche peut-être, c'est que ça s'arrête en 1966-67, alors que la carrière de Dylan ne fait que commencer, quoi. Il commence en 1960 et le film s'arrête en 67. C'est un petit peu dommage, mais bon, ça retrace quand même toute la période où il a eu énormément de succès. D'accord. Après, il a eu moins de succès parce qu'il est passé à l'électrique et le film se termine sur cette. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé aussi l'actrice qui interprète John Baez et aussi Edward Norton qui fait Pete Seeger. Pete Seeger qui était un grand songwriter et qui a écrit beaucoup de titres aussi à cette époque. Et ils sont amis au début et puis un petit peu moins à la fin, mais enfin, je vais pas spoiler comme on dit. Allez voir Imparfait, Inconnu. On écoute tout de suite un titre avec Johnny Cash. Je l'ai noté quelque part. Je ne sais plus où c'est. Girl from the North. Exact. Wow. 89.5 Boogie. C'est parti. Radio Tio. If you're traveling to the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true love of mine. See for me that her hair's hanging down, it curls and falls all down her breast. See for me that her hair's hanging down, that's the way I remember her best. If you go when the snowflakes fall, when the rivers freeze and summer ends, please see for me if she's wearing a coat so warm to keep her from the howling. If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, please say hello to the one who lives there. For she was once a true love of mine. True love of mine. Waouh. Oh, c'était bien. Bob Dylan, Johnny Cash, waouh, la chanson qui fait ouais, que tout le monde adore quoi. Ouais, super. Que dire d'autre ? Ouais, les deux voix qui se complètent, qui se mélangent, ils sont sur des timbres de voix qui sont pourtant bien différents, mais on sent la connivence quoi. Ouais. Voilà. Pas grand-chose à en dire quand on entend ce genre de titre. Il me semble que il y a 8 ou 10 chansons pendant le film et il me semble que celle-ci en fait partie. On va terminer Boogie 22h32 sur le 89.5. Oh non. Le Boogie Time, le Boogie Show, tout ça c'est terminé. Ce sera pour une prochaine fois. Peut-être qu'on fera une émission festive un de ces quatre et je te vois déjà Véro, pas très sûr de toi par rapport à ça. Une émission festive avec des dizaines de personnes dans les studios. Oh, ça yeah. te parle. La technique va être super. On tournera la technique. The Boogie t'inquiète Evening. Pas. T'inquiète pas. Et il faut que ça revienne. Hein. Les groupes vont revenir. Et les oui. émissions festives aussi. Il y a pas de raison. Oui, il faut. Moi, je suis partante. je vous propose de terminer. Alors, on n'a toujours pas eu d'appel, hein. Là, c'est vraiment désolant. Mais, ouais, mais où êtes-vous, auditeur ? Vous n'êtes pas libre le 14. Alors, le 14 février, c'est la Saint-Valentin, ceci explique peut-être cela. Mais sinon, il y a toujours deux places à gagner, mais il vous reste 5 minutes, quoi, même pas. Voilà, pour Jérôme Paxton, le 14. C'est pas ce vendredi, mais l'autre. On appelle. En attendant, on va se quitter avec une version de Hey Joe de Willie DeVille. Une version complètement hallucinante. Voilà. Déjantée. Et déjantée et loin de celle de Jimi Hendrix. Voilà. Jimi Hendrix qui n'est pas l'auteur de cette chanson, contrairement à ce que je croyais encore il n'y a pas très longtemps. Mais cette chanson est de Billy Roberts. Voilà. Reprise par Jimi Hendrix et par tant d'autres. Qu'est-ce qu'on apprend des choses ? On se donne rendez-vous. Mais oui, mais Boogie, c'est fait pour ça. C'est fait pour apprendre des choses. Et moi, j'en apprends tous les jours. Hein. Super. On se retrouve le mercredi 19 février. 19, ouais. En espérant que cette fois, on sera au rendez-vous. Hein. Qui nous arrivera pas des moi blagues. J'y crois à fond. Oui, mais moi aussi. Peut-être Muriel sera avec nous, qui sait. Mais moi, prie. Stéphanoise peut-être vraiment installée moi, à Saint-Thé. Je prie pour qu'elle ait lieu cette émission, qu'on fasse enfin une émission tous les 15 jours, comme on s'y était engagé. Ouais, mais il faut prendre la routine et le mouvement. Voilà. Eh ben, je vous remercie. À bientôt. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. On écoute tout de suite Willie DeVille. Hey Joe. Good night. Hey Joe, where you going with that money in your hand? I say, hey Joe, where you going with that money in your hand? Well, I'm gonna see my woman. You know, I heard she done messed around with some other man. I heard she did. You know, I'm going downtown. I'm gonna buy me a blue steel 44. You know, I'm going downtown. And I'm gonna buy me a blue steel 44. I'm gonna catch up with that girl. She won't be messing around on me no more. Well, I say, hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey Joe, where you going with that gun in your hand? I'm gonna shoot my woman. I found her messing around with some other man. Hey Joe, I heard you shot your old lady down. Hey Joe, you know I heard that you shot your old lady down. Yes, I did, 'cause I caught her messing around town.